n'ai jamais pu dire à personne, docteur. Je vous écoute. Je suis un serial killer. Oh putain! Oh! Ça fait du bien de pouvoir le dire à voix haute. Vous avez fait beaucoup de progrès. Pas la face, non. Les gens font la queue pour recevoir un coup dans l'œil. D'autres l'avaient déjà dans le nez.